Radio Lumière. Radio Lumière. Radio Lumière. Pour un pays éclair, toujours. L'équipe sportive de Radio Lumière, toujours sur la balle, vous apporte coup de sifflet. Toute l'actualité sportive sur le plan national et international. Coup de sifflet, résultat des grandes rencontres, analyses, commentaires, débats et interviews. Coup de sifflet, 1h30 de l'après-midi sur Radio Lumière, du lundi au vendredi. C'est une affaire de bon goût. J'ai mes règles. Et puis, je n'ai pas senti mal à l'aise même. C'est vite, moi, ployé. À qui c'est vite, tout c'est vie? Ça. Ça, pas bon, même. Ou pas, on laisse serviette ça en plastique. Là-bas, on infection. C'est serviette actimède, coton naturel pour servir. Mais, bambou, youn. Actimède serviette hygiénique, les moins poisses, et les kembe trois fois plus que l'autre macio. Serviette hygiénique actimède. Puis bon ami. Une gamme complète couchette. Act pull up pour enfants. Depuis à la naissance. Molfix très absorbant. Hypoallergénique. Utilisation sans risque. Satisfaction garantie. Recommandé pour tous les enfants. Dès la naissance à toute l'autre étape. Pochette bébé a grandi, faut pas inquiéter, on s'est via. Pull up Molfix. Mami, papi, fait du monde, yo souris avec. Couchette Molfix. Molfix qui met tout si bébé à 7. Galon couchette. Molfix. Passez, prends la maquette, yo. Molfix. Faut prendre soin de bébé, yo. Molfix. À toutes les tailles disponibles. Molfix. Bon banque qui montre respect pour toutes les alliés. Toujours à travail pour développement pays. Capital Bank. Pour commettre tout business qu'on compite. Capital Bank. Post Capital Bank, c'est si bon, libre. Capital Bank. Nos banques qui connectent. Capital Bank. Nos banques qui progressent. Pour quelque soit service bancaire. Capital Bank. Pour pas perdre ton pas fait coller. Capital Bank, bon bank. Mois décembre était mois étrange, où compte ça déjà? C'est pour raison ça, docteur Marie Analtema, qui connaît d'un embouchon indispensable pour après tirer 20% sur quoi vous payez pour service dentaire, sorti 4, rivé 30 décembre. 20% l'argent sorti sous diagnostic, prophylaxie, extraction, prothèse totale, fixe ou amovible, endodontie ou traitement canal, cerclage, couronne en porcelaine, traitement parodontal. 20% cash sorti sous tout service, quitte dans la clinique Altema Dental Office, numéro 68 avenue Christophe, Polyclinique Centrale. Quitte dans numéro 5, rue V sans peur, Telma 19, local, hôpital Sainte-Trinité. Quitte dans numéro 75, rue Châteaudun, Okaï. 20% rabais pour problème dans bouche, sorti 4, rivé 30 décembre. Profitez, moun pa kon refize zetren. Pour plus d'informations, si ou Port-au-Prince, relez 34 20 64 76 42 29 99 77. Si ou Okaï, relez 34 94 78 36 42 07 72 21. Ou ka contacter Dr. Altema via email nan altemamarianne18@gmail.com. Pabli dans ces portes d'entrée la vie, on profite et gère. Nouveau coupé de notre tiki, tablette qui gagne beaucoup ensemble avec des pistes naturelles que vous mettez dans manger la taille. Pour l'ail, persil, piment douce. Goût ou remè, koun ya ap jwenn ni sous forme ti kib la dou. Et puis tout, li gen quantité sel ou remè. Pa gen menti nan ça. Mes tablettes nous t'attendent. Goût pour la crêpes tu remè. Tikib 4 ou 5 gouttes seulement. Nouveau coupé doit Tikib. Qui dentifrice qui fait dans blanc? Actimel. Qui dentifrice qui number one? Actimel. Pour bouche toujours frais. C'est via Bagel Actimel. Et pour gencive ou en santé. C'est via Actimel 3. Pour dents blanches en coup coton. Dentifrice Actimel. Et si vous n'aurez même pas Actimel, c'est avec pour servir. Puis dans gel ou en patin, si vous besoin combattre carie. Dentifrice Actimel, c'est l'io réclamé. Si vous voulez ou bonne haleine, vous gâtez tout ou je t'aime. Dentifrice Actimel, c'est l'imoué recommandé. Ou bouche ou toujours frais. C'est via Actimel, ma sang. Et pour j'en si vous en santé. C'est via Bagel Actimel. Pour dents blanches en coup coton. C'est via crème Actimel blanc. Et si vous n'aurez même brossé. Number one, Actimel. Dentifrice Actimel, le choix de mon dentiste. Noël, c'est l'amour, c'est la joie, c'est partage. Après nous fin traverser toute une année ensemble, Brad Si Brad Sou, c'est moment pour nous prouver l'amour que nous gagnons l'un pour l'autre. Pas besoin de sourire même, parce qu'on pouvait l'appeler l'occasion à Xipon pour courir un bel travail. Fait année arriver, moi c'est Radio Télé Lumière. C'est moment pour renouveler l'amour pour moi avec Zetren. Vous racontez ça? Anessa, vous faites Zetren pour arriver dans Radio Télé Lumière, mais différents moyens sont capables de passer. Unibank Dollar, 240-1022-709-295. Unibank Good, 240-1021-709-287. BUH Dollar, 6600-002-94-25. BUH Good, 6600-000-03-89. Ou à l'étranger, vous voulez faire vivre dans elle, ou abjeune nous sous le nom ça. Radio Télé Lumière, numéro AC 781-4670-2919. Nous pas oublier mon mot cash nous yo. Numéro mon cash yo c'est 36-73-42-43 sous nom Jean-Saïdel Sintil, 37-85-82-38 sous nom Samson Dorilas Borilien. Allez, qui m'a ça qu'a frappé là? Si, nous faisons qu'un côté. Nous avons envie de continuer à servir nous. Nous retournons, les amis sportifs, après pause là. Merci parce que vous avez toujours été branché Radio Lumière. Vous avez suivi l'émission Coup de Sifflet et qui passait du lundi au vendredi, depuis 1h30 pour arriver 2h PM. Eh bien, nous toujours un pile plaisir pour nous porter pour vous émission ça. Nous saluons toutes les amies qui est branché dans le Grand Sud là. Nous saluons sur Anadej Télémac, collaboratrice nous qui permettent que nous soyons capables de vivre l'émission sur certains réseaux Askeya. Et nous saluons Baudelaire Sumerville qui s'est confié à nous de Radio Le Témoin. Et Jean Tabdil, le début de l'émission, on a parlé de football. Tirage au sort, 8e de finale Ligue des Champions. C'est Mathieu. L'équipe sportive de Radio Lumière, toujours sur la balle, vous apporte Coup de Sifflet. Toute l'actualité sportive sur le plan national et international. Coup de Sifflet. Résultat des grandes rencontres, analyses, commentaires, débats et interviews. Coup de Sifflet. 1h30 de l'après-midi sur Radio Lumière, du lundi au vendredi. C'est une affaire de bonbons. Ah, Radio Lumière. Musique. Conseils. Réflexions. Des émissions variées, adaptées à vos besoins. Radio Lumière. Radio Lumière. Vous accompagne. Partout. Sans y comprendre ce qui allait. département évangélisation Radio Télé Lumière a présenté au chaque lundi 2h 2h45 na après-midi Lumière sur l'évangélisation. Formation des leaders et des disciples, informations concernant les activités évangéliques, orientation des mouvements d'évangélisation, promotion des institutions partenaires. Tout ça qui concerne méthodes, techniques, stratégies, qui permettent de nous joindre une meilleure façon pour chercher un homme pour Christ et puis former disciples pour peupler le royaume bon Dieu. Chaque lundi, 2h, 2h45, non, Lumière sur l'évangélisation sous Radio Lumière 97.7 FM stéréo. Département d'évangélisation de Radio Télé Lumière. Une véritable plateforme d'évangélisation pour un impact global dans une alliance parfaite. Tous les lundis, 2h, 2h45 p.m., 97.7 FM stéréo. Ne ratez sous aucun prétexte Lumière sur l'évangélisation avec le département d'évangélisation de la RTL. Lumière sur l'évangélisation, yon mouvement évangélisation tête en somme pour yon pi bon résultat. Amis auditeurs Radio Lumière avec les amis internautes nous sommes contents pour nous rentrer la caillou après-midi pour nous porter pour nous-mêmes dernière émission Lumière sur l'évangélisation pour année 2023. Donc c'est un plaisir pour nous-mêmes dans le département évangélisation nous t'es avec vous même lorsque nous pas fidèles chaque lundi.